l'un fasse ça, parce que Khrouchtchev, c'est un con. Fait que, ça dépend comment est-ce que tu stresses, ça dépend des individus avec lesquels tu deals. Puis ça, ben, ça dépend de ton expérience. OK. Bon, ben, disons qu'on... Fait que, quand tu dis, bon, ben, faut traiter avec un maximum de pacifisme. De pacifisme, ça peut être touché. Parce que, il y a des gens, comment, si tu traites avec eux autres de façon pacifique, ils vont t'embarquer. Il y en a, faut que tu leur mettes le poing sur la gueule, puis là, ben, ils vont te respecter. Il y a tout ça de monde. Moi, je me rappelle, il y a bien des années, je marchais sur la rue Sainte-Catherine, un soir, je traversais la rue, puis un gars, il pensait que j'étais un homosexuel, même, toi. Fait qu'il s'est retourné de bord parce qu'on s'en allait dans la même direction. Il s'est retourné de bord puis il dit, il pensait que je le suivais. Puis là, il m'a accroché au collet. Un grand bonhomme m'a accroché au collet. Puis il me dit à moi, il dit mon sacrement PD, je sais comment est-ce qu'il appelle ça, des PD, il appelle ça. Ouais. Il dit, m'a t'en faire une. Il dit, tu me suis. J'ai dit, je te suis pas, j'ai dit, tu m'envoies au restaurant. Puis là, il voulait pas me lâcher. En plus, j'ai crié un coup de poing sur la gueule. J'en ai. Puis moi, je suis devenu karatéman instantanément. Laisse-moi dire que il n'a pas un maudit. Mais si avait fallu, je dis, ben écoutez, monsieur, je vous suis pas, je m'en vais prendre un smoke. Mais, pauvre monsieur, là, il m'aurait peut-être mangé sa rue, tu sais, pas. Merci beaucoup, Bernard de Montréal.